Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Île-de-France, bouquins, musique, chansons, spectacles, etc. Ce matin, focus sur les chercheurs qui s'intéressent aux enfants à travers leurs objets culturels et ou la culture enfantine avec la chronique de Mathilde Lévesque, présidente de l'AFRELOS, l'association française de recherche sur le livre et les objets culturels de l'enfance. Ce matin, elle reçoit Stéphane Bonnery, ce sera dans quelques instants. Cette semaine, les enfants sont en vacances. Aussi, nous vous faisons deux propositions. Le Festival du cinéma d'animation du Val d'Oise, Image par Image, qui a démarré en fin de semaine précédente pour une vingtaine de jours dans de nombreuses villes du département. Yves Bouvray, délégué général du festival, présente cette édition 2012. Ce sera à 11h15. Et puis le théâtre aux mains nues, dans le 20e arrondissement, propose deux spectacles de marionnettes pendant les vacances, dont l'un est adapté d'une nouvelle de Philippe Dorin. Sabine Ribeiro du théâtre aux mains nues les présente, ce sera à 11h35. Et puis enfin, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera en toute fin d'émission, avec des infos sur les spectacles, les livres et les CD pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre FM 93.1, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Ricardo Burgos qui assure la mise en onde de l'émission. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone 01 40 24 28 28 et le site aligrefm.org à partir duquel vous pourrez écouter ou télécharger cette émission dans quelques jours. N'ont pas disparu. Ils ne sont pas morts. Ils sont descendus sous la terre, dans l'envers du décor. Sous la terre vivent les dinosaures. Les dinosaures ne se sont pas effacés. Ils ne sont pas morts. Ils se sont cachés sous la terre, dans l'envers du décor. Sous la terre vivent les dinosaures n'ont pas disparu. Ils ne sont pas morts, ils sont descendus sous la terre, dans l'envers du décor. Sous la terre vivent les dinosaures. Extrait du livre CD Chansons tombées de la lune, c'était Chapi Chapeau. La chanson s'appelle Dinosaure. Le livre CD est édité à l'église de la Petite Folie et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mathilde, bonjour. Bonjour Véronique. Donc on vous retrouve comme chaque mois pour un petit focus, comme j'ai dit tout à l'heure. Exactement. Sur les chercheurs qui s'intéressent à l'enfance. Oui, les chercheurs qui s'intéressent à l'enfance et... Même si nous sommes en période de vacances scolaires, on va parler un tout petit peu d'école quand même ce matin. Et j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Bonnery, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, responsable de l'équipe ESCOLE, éducation et scolarisation. Alors Stéphane Bonnery, vous travaillez principalement sur la question des inégalités scolaires, notamment dans les apprentissages et dans le rapport à l'école. Et vous avez publié en 2007 un ouvrage qui s'intitule « Comprendre l'échec scolaire, élèves en difficulté et dispositifs pédagogiques » paru aux éditions La Dispute. Alors vous vous intéressez aussi à l'évolution des formes de savoir et des formes de la culture qui sont transmises à l'école. Et dans vos recherches, vous croisez sciences de l'éducation, sociologie, sans oublier, bien évidemment, culture, littérature d'enfance et de jeunesse. Alors, ma première question serait, c'est un petit peu générale, de savoir comment s'articulent justement ces trois domaines qui sont très vastes, chacun dans sa spécificité, sociologie, sciences de l'éducation, et puis cette culture d'enfance. Bonjour. Cela s'articule par, d'abord par un cheminement de mes interrogations de chercheur, puisque en fait je me suis d'abord intéressé aux difficultés des élèves face aux apprentissages scolaires. Et pour ce faire, j'ai porté une attention de plus en plus grande au support pédagogique qui modèle, qui conditionne l'activité des enseignants et des élèves. Les manuels, les fiches en maternelle. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai notamment étudié la façon dont les élèves faisaient avec ces supports, avec ces manuels. Mais pour comprendre ça, je me suis intéressé rétrospectivement à l'évolution des manuels. Et notamment en constatant que, bon, je vais prendre un exemple schématique pour aller vite, mais il y a 50 ans, en cours moyen, on étudiait la vie du temps de Louis XIV sous forme de récit, à apprendre par cœur et à réciter. Peut-être les meilleurs comprendraient, passeraient le certificat d'études et iraient plus loin, et les autres, ils iraient au boulot à 14 ans. Et aujourd'hui, en cours moyen, on étudie la monarchie absolue ou l'absolutisme comme organisation politique d'une époque. Donc, beaucoup plus conceptuel. On n'est plus dans l'ordre du narratif, mais de la compréhension. On n'est plus dans donner un texte de savoir d'une demi-page tout prêt, clé en main, à apprendre par cœur. On est davantage dans une série d'informations. Alors, monarchie absolue, ça s'explique par centralisation du pouvoir, par qu'est-ce que le pouvoir. C'est-à-dire, on étudie plusieurs choses, et je vais utiliser le mot que je vais utiliser ensuite pour la littérature de jeunesse. On sollicite les enfants qu'ils mettent en relation des éléments hétérogènes. Et c'est à l'enfant à produire lui-même cette activité intellectuelle pour mieux comprendre et pas retenir du tout près, sauf que ça nous met devant un défi, parce que ces supports en classe sont à la fois une occasion de solliciter une activité intellectuelle plus stimulante, plus exigeante, plus réflexive, plus interrogative, et en même temps, si on ne sait pas accompagner les élèves vers cette confrontation, eh bien, ces supports risquent d'être trop porteurs de prérequis, peu utilisables, et d'augmenter le nombre d'apprentissages ratés. Et donc, c'est à partir de ça que je me suis dit, ce type d'analyse, ben, je peux le transférer sur des objets qui sont moins spécifiquement scolaires et qui circulent entre l'école, la maison, des familles plus ou moins cultivées, etc. Donc, augmentation aussi potentiellement des inégalités à travers cette évolution des supports et des pratiques scolaires. Oui, mais disons que j'ai toujours le souci de tenir ensemble deux dimensions. Il y a une augmentation potentielle des inégalités d'appropriation, mais qu'il faut toujours regarder en lien avec le fait que la culture en général est de plus en plus complexe, de plus en plus armée de savoirs savants. Je vais prendre des exemples bateaux, mais Le Monde de Sophie est un roman dans lequel on fait un voyage guidé dans la philosophie. Le Théorème du Perroquet de Denis Gage, c'est un roman policier au travers de l'histoire des mathématiques. Donc, je pense que les formes de culture vont vers une hausse des savoirs qui sont mis en œuvre, avec un entremêlement des formes ludiques, des formes de plaisir et des formes de culture et de savoir. Et il n'y a pas... Je crois que on peut pleurer, on peut louer, on peut s'en contenter, on peut s'en ficher, mais cette évolution des formes de culture est inexorable. Donc, moi, je suis pas en train de râler après le fait qu'on sollicite dans les manuels ou dans les albums de littérature des activités plus complexes sur le plan intellectuel pour se saisir des albums. Toute la question, c'est quel accompagnement pour que les enfants voient leur potentiel culturel, intellectuel, et les autres qui ne peuvent pas y accéder, qui n'y comprennent pas grand-chose ou qui seraient voués à utiliser de la littérature plus grand public, mais avec une segmentation du marché, quoi. Donc vous diriez que aussi bien dans les supports pédagogiques que sont les manuels scolaires que dans la littérature spécifiquement destinée aux enfants, on a on peut faire un parallèle de cette culture, enfin d'une culture plus exigeante peut-être, ou plus vaste, plus réflexive, plus réflexive qu'on propose aux enfants. Donc votre travail de chercheur, c'est d'analyser comment travaillez-vous, en fait, ma question est un petit peu double, parce que vous parlez de manuels et d'albums. On n'est pas On sait bien que la littérature de jeunesse a sa place à l'école, mais pas seulement. Tout à fait. Disons que je mobilise différentes disciplines scientifiques et différents apports savants au profit d'une articulation de ces éléments savants dans une perspective sociologique. C'est-à-dire que je prends des choses déjà faites par les études littéraires, j'ai une partie de la recherche qui est de type historique, en étudiant sur le plan sémiologique l'évolution des albums de 1945 à aujourd'hui, avec des collections variées, je rentrerai dans les détails dans un instant. Et c'est sur le plan sociologique, j'essaye d'identifier ce que j'appelle le lecteur supposé, en référence aux théories de la réception, mais où la définition sociale de l'enfant qui est véhiculée par l'album, je pourrais illustrer dans un instant avec quelques exemples, définition sociale de l'enfant, définition sociale de ce que c'est que lire, de ce que c'est que prendre du plaisir avec un objet culturel, définition sociale de ce qu'est l'adulte qui accompagne. Et je mets en confrontation cette étude-là des supports avec l'observation à la fois dans des familles socialement contrastées et dans des classes avec des enseignants divers dans différents territoires en ZEP ou pas en ZEP, etc., pour regarder comment les gens font avec des supports similaires. En général, le protocole, c'est qu'on prend un album plus ancien. Si je prends l'exemple que je vais développer peut-être, ou sur lequel on a particulièrement travaillé, on a travaillé par exemple autour des loups. La chèvre et les biquets, version Père Castor 58, on le fait lire juste avant de faire lire Loulou Yétu de Mario Ramos, qui date d'il y a quelques années à peine. Et que font des familles qui ont des profils très différents de ces deux mêmes albums, sachant que ces deux albums, pour moi, illustrent tout le travail qu'on a fait sur le plan diachronique, historique, pour montrer les évolutions des exigences et de la définition sociale de l'enfant et de la lecture. Et cette étude-là sociologique, en fait, pour moi, c'est le pendant sur la littérature de jeunesse de ce que j'ai fait auparavant sur les supports pédagogiques scolaires. Non pas que ce soit exactement la même chose, mais il y a vraiment une ressemblance, un cousinage dans les types d'activités intellectuelles qui sont sollicitées, que j'appelle des mises en relation, peut-être. On pourra y revenir. Donc, en fait, sur la période actuelle, vous utilisez, vous confrontez par exemple deux supports différents, enfin deux albums, vous disiez, mais alors un de 1958 et un des années 2010, 2000, ouais, oui, très 2010. Récent. Comment croiser, ça me semble très très complexe, comment croiser une perspective historique finalement, si vous considérez que le contexte historique, en tout cas de la publication de l'album comme un élément, si vous le considérez comme un élément important, ce qui est tout à fait pertinent évidemment. Donc 1958 et 2010, ce qui me semble difficile, c'est de voir sur un même public, est-ce que déjà ce public a conscience qu'on a un album de 1958 d'un côté et un autre de 2010, enfin, ça, c'est aussi la position du chercheur. Donc, peut-être on pourrait parler d'un exemple. Oui, de cet exemple sera plus précis, simple. Ce sera plus simple aussi. Ce qui m'intéresse quand j'étudie les albums au cours du temps et qui explique ce que je vais observer ensuite quand on filme des familles en train de lire. Par exemple, dans La chèvre et les biquets du Père Castor 58, j'ai essayé d'identifier quelles mises en relation sont sollicitées entre le texte et l'image. Entre les éléments narratifs qui sont choisis par rapport au conte d'origine, il y a une sélection oui, qui est sûr. Faite. Ouais. Lesquels sont choisis ? Pourquoi ? Et quel lien entre ces éléments narratifs, entre la conclusion ou la morale, telle qu'elle est formulée ou pas ? Et comment ces mises en relation sont formulées de façon explicite ou implicite ? Est-ce qu'elles sont nécessaires ou accessoires pour comprendre le noyau de sens principal de l'album ? Et quelles évolutions ? Alors, dans La chèvre et les biquets, par exemple, on voit que un élément de l'histoire qui est quand même central dans le conte d'origine est retenu par les auteurs de la collection du Père Castor, c'est ce qui va se jouer autour de la porte, entre l'intérieur et l'extérieur de la maison, entre d'un côté la sécurité, là où les enfants se trouvent, enfin là où les biquets se trouvent, et à l'extérieur, là où le loup va cogner à la porte, va déguiser sa voix, sa patte pour entrer. Je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, mais il y a, sur la relation texte-image, une relation d'étayage réciproque. Oui. À cette époque-là, où l'intérieur de la porte est en rouge, l'extérieur est en vert. On ne le souligne pas dans le texte, mais tous les indices textuels, iconiques, paratextuels, etc., tout converge dans ce que j'appelle une recherche d'univocité pour que le lecteur comprenne une seule chose. Une seule chose, il y a un dedans, il y a un dehors. C'est pas simple à comprendre pour des enfants qui sont jeunes, qu'ils vont se parler au travers de la porte sans se voir. Et que pour aider le lecteur à comprendre qui se situe de quel côté de la porte, ben, il y a un coup la porte qui est verte, un coup la porte qui est rouge. Hein. Elles sont en vis-à-vis sur les doubles pages. Hein. Il y a une série d'éléments où, par exemple, la maman Biquette, avant de partir, dit « n'ouvrez pas », elle donne les consignes, « attention, il y a le loup si, ». Et quand je reviendrai du marché, je dirai « ouvrez Biquet, foin du loup » avec une formule typique. Voilà. Les Biquets, régulièrement, le plus âgé dit aux autres « oui, mais elle a pas, si c'est le loup parce qu'il n'a pas dit la formule, etc. » Donc, très régulièrement dans l'album, on aide le lecteur à comprendre que ce qui aide les personnages à faire leur choix, à faire ce qu'ils font, c'est la consigne de départ. Et à la fin, la maman Biquet rappelle qu'ils ont été très sages et bien obéissants en répondant à la consigne, donc elle les félicite en leur faisant un bon repas avec ce qu'elle a ramené du marché. Donc, c'est que le modèle d'enfant là, c'est un enfant qui peut tout comprendre à condition qu'on le prenne par la main, qu'on le guide, qu'on lui dise tout et que tout converge dans le même sens. Mmh. Si on prend en comparaison à l'autre extrême, parce qu'évidemment, il y a tout l'entre-deux sur lesquels on n'a pas le temps de détailler. Si on prend à l'autre extrême Loulou Yétu de Mario Ramos, ben, c'est la plurivocité, pardon, de l'espèce de mot énorme, de la recherche de plusieurs sens, les fausses pistes. On entraîne le lecteur vers des pièges qui ne sont pas tout à fait ce qu'il fallait comprendre, ou on peut le comprendre autrement, mais on peut multiplier les exemples. Alors, si on sort des loups avec les trois petits gorilles de Michel Van Zeveren, il y a plusieurs points de vue, qui est le petit gorille le plus courageux. Enfin, on peut multiplier les choses. Il y a une mise en relation qui est attendue dans Mario Ramos entre le texte et l'image pour comprendre que ce qu'on nous donne à voir dans la version première, c'est deux cochons poursuivis par un loup, en fait. C'est les trois petits cochons dont il y en a un qui a un masque de loup qui poursuit les deux autres, mais c'est pas dit. Et plein de familles démunies au sens où elles n'ont pas, elles sont pas dans la connivence avec la culture cultivée. Il y a plein de familles pour qui c'est inenvisageable que l'auteur mente. Pour eux, pour elles, le livre dit le vrai, le livre dit la vérité. Et là, il y a des prérequis, il y a des présupposés sociaux qui sont très différents, mis en relation encore entre les éléments narratifs de l'histoire, ben, la conclusion n'est pas donnée, il faut la trouver tout seul. Mise en relation entre le loup de l'histoire et l'archétype supposé être connu chez Mario Ramos, on sait que c'est le grand méchant loup, donc c'est un petit cochon qui peut se déguiser en grand méchant loup. On suppose que les gamins et les familles savent qu'il y a un grand méchant loup typique et donc on avance comme si on pouvait s'amuser avec. Voilà, il y a aucune critique dans mon propos, mais il y a là un support avec lequel on peut jouer, pas à l'infini, mais quand même beaucoup, beaucoup, à condition d'avoir des connaissances, des habitudes lectorales, à se méfier des pièges que tend l'auteur. Et la définition de l'enfant lecteur ici, c'est un enfant qui doit découvrir, à qui l'on tend des indices pour qu'il s'en saisisse pour formuler des hypothèses de lecture. C'est un enfant qui peut tout comprendre, mais justement par lui-même, il faut le guider. Il peut pas tout découvrir tout seul, mais il y a des indices cachés et on attend de l'adulte qu'il attire l'attention vers des indices, mais qu'il ne dise pas à la place. Voilà, on peut faire une analyse objective du lecteur supposé. Et ce qu'on voit dans les films qu'on a recueillis avec notamment beaucoup d'étudiants qui travaillent avec moi, c'est que il y a des familles dans lesquelles les habitudes de lecture sont marquées par ce qu'étaient les habitudes de lecture il y a 30 ans. C'est-à-dire, le rôle de l'adulte pour un enfant qui n'est pas encore autonome dans la lecture, j'ai oublié de le dire parce que je travaille sur grande section CP, en gros 5-6 ans. L'habitude de lecture pour les adultes, c'est d'oraliser le texte. Et un adulte qui est dans ce rapport-là à la lecture d'albums ne peut que passer à côté des albums qui jouent justement sur les blancs et les sous-entendus. Il y a toujours eu des blancs et des sous-entendus dans le texte. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un jeu institué que de jouer spécifiquement avec ces blancs et pas de les laisser parce que l'auteur n'y pense pas, parce qu'il a des évidences. Là, on joue volontairement avec ces blancs. Et donc, il y a toute une part des familles qui passent à côté. Et ça interroge quand l'école vend des collections comme l'école des loisirs à des parents pleins de bonne volonté culturelle. Je suis ni pour ni contre. Je me dis, à partir du moment où on fait les choses, comment on assume les choix qu'on fait jusqu'au bout? Est-ce que ça veut dire que les livres arrivent dans les familles et se débrouillent qui pourra avec ça? Est-ce que ça veut dire que l'enseignant doit avoir le souci de travailler ça en classe pour que les gamins aient des lectures plurielles des mêmes objets et puissent comprendre qu'on peut se saisir différemment des mêmes objets? Voilà, c'est ces questions-là qui m'intéressent en tant que sociologue et du coup je mobilise à la fois des connaissances historiques, sémiologiques, etc. தவமும் திறமும் தனமும் தனமும் முருகா முருகா முருகா அடியார் பலரின் குளரே அவரை விடுவித் தருவாய் முடியா மறையில் முடிவே அசுர முடிவே கருதும் வடிவேலவனே முருகா முருகா முருகா சுருதி பொருளே வருக துணிவே கனலே வருக கருதி கருதி கவலைப்படுவார் கவலை கடலை கடியும் வடிவே முருகா முருகா முருகா அமராவதி வாழ்வுறவே அருள்வாய் சரணம் சரணம் குமரா பிணியாவையும் மே சிதற குமுறும் சுடர்வேலவனே சரணம் முருகா முருகா முருகா அறிவாகிய கோயிலிலே அருளாகிய தாய் மடிமேல் பொறிவேலுடனே வளர்வாயடியார் புதுவாழ்வுறவே புவி மீதருள்வாய் முருகா முருகா முருகா குருவே பரமன் மகனே குகையில் வளரும் கனலே தருவாய் தொழிலும் பயனும் அமர சமராதிபனே சரணம் சரணம் முருகா முருகா முருகா வருவாய் மயில் மீதினிலே முருகா முருகா முருகா. Extrait de Continet Rose de Safran, un livre CD publié très récemment chez Didier Jeunesse. Vous êtes sur Aligre FM 93.1, nous sommes en compagnie de Mathilde Lévesque, présidente de l'AFRELOS, Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance, ce matin en compagnie de Stéphane Bonnery. Alors Stéphane Bonnery, vous avez parlé de rappeler ces termes de sociologie du lecteur supposé. On peut l'appliquer, donc, enfin, c'est ce que vous faites dans vos recherches aussi, cette notion, aux enfants, aux lecteurs, aux jeunes lecteurs. Et comment l'entendre? Donc il y aurait une sociologie du lecteur supposée par et dans la littérature de jeunesse, ce qui voudrait dire que la littérature de jeunesse, aussi bien dans une dimension historique que contemporaine, on pourrait dire simplement, bon, diachronique ou pas, suppose implicitement un profil de lecteur particulier sociologiquement ou... Comment est-ce qu'on peut comprendre, articuler Alors, cette sociologie du lecteur supposé et la littérature de jeunesse? Déjà, juste une précision, mon travail n'est pas uniquement sur la sociologie du lecteur supposé, mais sa confrontation au lecteur effectif. Et c'est bien la relation entre les deux qui m'intéresse. Ouais. Voilà, alors ça fait un peu un gros mot, ce lecteur, sociologie du lecteur supposé, mais de façon plus triviale, ça veut dire quand un auteur pense un livre, quand un éditeur fait des choix, quand voilà, les gens qui font le livre le font, ils ne se disent pas, tiens, l'enfant qui va lire le livre, il est comme ci, comme ça. Enfin, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça dans leur tête. Au contraire, ils ont des choses qu'ils apprécient, ils ont intériorisé des visions de ce qui plaît aux enfants qu'ils connaissent et qui est potentiellement, historiquement et socialement marqué. Par exemple, le fait, je ne sais pas si l'exemple vient en tête, à la fin du Géant de Zeralda, que dans un recoin, il y a un des enfants de l'ancien ogre et de Zeralda qui ait un couteau caché dans le dos en regardant de façon affamée le petit frère. Ça, c'est un type d'humour qui ne fait absolument pas rire des familles qui sont dans une éducation très traditionnelle. Ça ne les fait absolument pas rire. Par contre, d'autres familles se délectent, si je puis dire, de ce type d'humour. Et c'est ça que j'appelle un lecteur supposé. C'est qu'est-ce qui est si évident qu'on s'adresse à des clins d'œil, on sollicite, tiens, ou aujourd'hui, l'album de littérature jeunesse, moi, je le compare beaucoup au polar pour adultes, c'est-à-dire qu'on joue avec le lecteur pour lui donner des indices, mais pas trop, à toi de trouver, est-ce que t'es capable de trouver, et je trouve que là, il y a une complicité qui relève de, finalement, de ce qui est intériorisé par les auteurs, par les éditeurs, de ce qu'est le plaisir de lire, de ce qu'est le plaisir de se cultiver, et je crois d'une conception du rapport au monde médiatisé par la culture cultivée, qui relève de l'évidence dans une partie de la population, il n'y a pas les emblâmés, j'en fais partie. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que ça relève de l'évidence dans ces supports, quand on les met comme ça, sans y réfléchir, sans autre forme de procès, dans les mains de tous les gamins. Je pense qu'il faut le faire, il faut le mettre à disposition de tous les enfants, ces objets exigeants. Mais du coup, il faut penser comment on aide à faire avec. Et ça ne va pas de soi. Voilà. Finalement, le livre et tout objet culturel finalement, pour enfants supposerait un accompagnement. Alors, D'une certaine façon, oui, parce qu'on vit quand même dans une société où depuis un ou deux siècles au moins, l'enfant est vu comme un objet d'éducation. Donc, pour moi, il est impensable qu'un artiste, quel qu'il soit, quand il produit une œuvre à destination de l'enfance, bien sûr, il produit d'abord une œuvre. Il ne produit pas un objet éducatif. Voilà, il produit d'abord une œuvre. Mais en même temps, il a une conception de ce que c'est que l'enfance et de ce que c'est que l'éducation et de ce que sont les objets à mettre entre les mains des enfants. Donc ça me semble relever de ce qui doit être analysé parce que il n'y a à blâmer personne, mais on a des valeurs, on a des conceptions, on a des évidences, on a des habitudes de fonctionner intellectuellement qui font l'objet d'une formation au long cours tout au long de notre vie et que ça marque les gens, oui, mais pas tous de la même façon. Et donc, qu'il y a un accompagnement. Si c'est un objet d'éducation, en plus d'être un objet culturel, l'album, de quelle éducation faut-il être doté en tant qu'adulte pour pouvoir éduquer les gamins à ça de façon différente, parce qu'il y a des lectures hétérodoxes, de choses très complexes, et ça n'est pas illégitime. Toute la question, c'est est-ce que moi, je ne pense pas qu'il faille éduquer les familles, je le dis tout clair, tout net. Maintenant, il y a des institutions culturelles, des institutions éducatives et scolaires, quels sont les moyens qui leur sont donnés pour que les enfants, quand ils circulent entre différents milieux de socialisation, ils rencontrent différentes façons de se saisir ces objets culturels. Ce qui aide les enfants à grandir, ce n'est pas d'avoir un seul son de cloche hyper cultivé, c'est d'en avoir plusieurs et de pouvoir comprendre qu'on peut se saisir des objets différemment. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une école, qu'il y a besoin de médiathèques, parce que on ne vit pas dans une société où tout peut s'apprendre à la maison. Justement, c'est ce qui justifie que ces lieux-là existent, parce que sinon, on serait mieux à la maison quand même. Voilà. Nous avons beaucoup parlé, essentiellement parlé d'albums. Est-ce que vous travaillez sur d'autres supports, d'autres objets culturels destinés aux enfants? Oui. Mais alors, c'est inégalement abouti. J'ai bien avancé sur la question des jeux de cette famille et je commence à peine sur la question d'un truc qui se développe depuis peu, qui sont les guides touristiques à destination des enfants. Pour arriver à comprendre quelles sont les visions de l'enfant touriste, certaines très marquées par, je vais y aller avec des catégories l'emporte-pièce, tant pis, mais des visions très instructrices à l'ancienne, d'autres par des visions très ludico-esthético-contemplatifs, on se promène, on ressent, on éprouve, et d'autres qui mélangent ces conceptions-là avec on s'instruit en même temps. Et donc j'essaie de regarder en fonction du type d'éditeur, quel est l'enfant supposé toujours, sociologiquement, et du coup, quelle conception finalement de l'instruction non scolaire, mais quand même un peu scolaire, sont véhiculées au travers de ça. Là, on sort quand même du cadre de l'école alors. Donc là, de plus en plus, je suis sur des objets qui sont à la frontière entre l'école et les autres milieux de socialisation, en regardant chaque fois comment la question de la culture, des savoirs et du plaisir se conjuguent différemment selon les lieux de socialisation et se cristallisent ces conceptions-là dans des supports différents, sur les jeux de cette famille, sur les guides touristiques, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment tout à fait passionnant. On aurait encore, je pense, matière à discuter. Donc, merci beaucoup, Stéphane Bounéry. Quand est-ce que ça va aboutir, oui, et publier les résultats. Alors, il y a différents bouts qui sont déjà publiés. L'un dans un livre qui vient de paraître chez L'Harmattan, dirigé par Daniel Aranda, qui s'appelle « L'enfant dans le livre, l'enfant et le livre ». Un autre bout qui est paru dans la revue Raison publique, publiée par les éditions de la Sorbonne, numéro 13 octobre 2010. Et puis, il y a un livre que je dirige, qui apparaîtra à l'automne chez La Dispute, sur les supports pédagogiques, les manuels, les fiches, les évaluations PISA, etc. Merci. On continue avec les informations de l'association. Quelques actualités de la recherche. Peut-être de jeunes chercheurs, étudiants en master ou en doctorat nous écoutent-ils ce matin. Et je voudrais les informer de l'appel à chercheurs lancé par la Bibliothèque nationale de France pour l'année 2012-2013. Alors pour resserrer ses liens avec le monde de la recherche, la Bibliothèque nationale de France, BNF, lance chaque année un appel à chercheurs national. C'est un programme qui a été lancé en 2003 et qui permet d'offrir un accueil privilégié avec quelques avantages à des chercheurs intéressés par des travaux sur les collections de la BNF et sur l'histoire de cette institution et les moyens de les valoriser dans le cadre de thèses ou de masters de recherche. Alors, un certain nombre de thématiques lancées dans cet appel à chercheurs sont liées à la littérature pour la jeunesse. Et c'est pour ça que j'aimerais les citer rapidement, même si toutes ces informations, on peut les retrouver sur le site de la BNF. Mais notamment, donc, une thématique liée au cartonnage illustré des livres pour l'enfance et de la jeunesse dans les fonds de la BNF. Une autre thématique sur le livre d'images et l'album entre 1820 et 1920. Vaste corpus. Un peu plus resserré, les livres pour enfants entre 1939 et 1945, les artistes et le livre pour enfants au XXe siècle, et la revue des livres pour enfants elle-même, donc une des publications du Centre national de la littérature pour la jeunesse, La joie par les livres, qui est rattachée à la BNF. Donc le contact, je l'ai dit, on retrouve toutes les informations sur le site de la BNF et le contact pour ces thématiques liées à l'enfance est Jacques Vidal-Naquet, directeur du Centre national de la littérature pour la jeunesse. Je voudrais également signaler une parution concernant l'album. La parution d'un ouvrage qui est très attendu par les chercheurs puisqu'il y a à peu près 3 ans, oui, en février 2009, c'était il y a 3 ans à Clermont-Ferrand, s'est tenu un vaste colloque sur l'album qui s'appelait « Le parti pris de l'album » ou « De la suite dans les images ». Et donc l'album « Le parti pris des images » vient de sortir. C'est un livre très riche, un gros livre, vraiment magnifiquement illustré, sous la direction de Viviane Allary et Nelly Chabrol-Gagne, que vous avez reçu il y a peu. Donc aux presses universitaires Blaise Pascal, et diffusé par l'atelier du poisson soluble. Donc on trouvera des débats, le résultat de débats et de recherches historiques et théoriques sur l'album. Et je pense que ce livre est amené à devenir une référence absolument fondamentale pour tous ceux qui s'intéressent à cette question de l'album. J'ai encore un tout petit peu de... Très très vite, alors très très vite. Pour signaler une conférence qui aura lieu vendredi 24 février. Donc après-demain. C'est très vite, donc voilà. Sur les séries télévisées contemporaines pour la jeunesse, regard croisé entre Dominique Pasquier de l'EHESS et une scénariste, Jennifer Ave, j'espère que je prononce bien. Donc vendredi 24 février 2012, de 18h à 20h, dans le 7e arrondissement, rue de Constantine, à l'University of London Institute in Paris. ULIP, pardon pour l'accent. Et je signale dans les 10 dernières secondes qui me restent que la revue de l'Afrolos, Strenae, revue entièrement en ligne d'accès libre et gratuit, vient de mettre en ligne son 3e numéro consacré à l'enfance et aux colonies, aux fictions et représentations, à la littérature coloniale, l'histoire coloniale pour les enfants. Voilà, c'est un numéro qui est en ligne depuis une semaine, qu'on retrouve à l'adresse http://strenae.revue.org. Et je ne vous laisserai pas partir sans que vous donniez la date du prochain séminaire de l'Afrolos quand même. Alors le prochain séminaire de l'Afrolos aura lieu le samedi 17 mars à l'École normale supérieure de 10h à 13h en salle Veille. Et nous parlerons de 2 auteurs totalement différents mais qui ont en commun d'être à la fois sur la littérature pour les enfants et pour adultes. Le premier, c'est Andersen, savoir était-il un écrivain pour enfants. Et le second, c'est Didier Denynx. Effectivement, ils sont très différents. Oui. Merci beaucoup Mathilde. Merci, et donc Laurence. On se retrouve le 14 mars avec Antoine Daufragne, un jeune chercheur qui nous parlera des jeux de rôle. Merci beaucoup. Allegre FM 93.écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On vient d'entendre les comptines de la récré. Cet extrait d'un livre publié chez Bayard Pomme d'Api. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais tout de suite, nous allons évoquer la 12e édition du festival Image par Image, le festival de cinéma d'animation du Val d'Oise, qui a démarré le 10 février, mais il est tout juste à mi-parcours, puisqu'il se déroule encore jusqu'au 3 mars, c'est-à-dire la fin des vacances. Il se déroule dans 28 salles de spectacle aux médiathèques du département. Certes, un certain nombre des projections, rencontres, des avant-premières, des journées animées, ciné-concerts ou autres ateliers ont déjà eu lieu. Mais le programme est riche, concocté par l'association Écran VO. Alors pour vous en faire découvrir quelques pépites, Yves Bouvray, délégué général d'Écran VO et directeur artistique du festival, est avec nous au téléphone. Yves, bonjour. Oui, bonjour. Alors je pense qu'on vous appelle là où vous êtes, c'est-à-dire à Aubonne. Là, non. Alors, je suis finalement repassé au bureau avant d'aller vers Sarcelles, où on a un goûter aussi cet après-midi, un goûter au ciné. Alors, qu'est-ce que c'est un goûter ciné ? Alors, en fait, un goûter au ciné, l'idée des goûters, c'est pas forcément que de nourrir les enfants qui viennent aux séances. En tout cas, nourrir leur estomac d'une brioche et d'un jus de fruits, c'est surtout leur faire découvrir ce qu'est une séance de cinéma et leur faire découvrir des films différents qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, c'est-à-dire des courts-métrages ou des longs-métrages qui nécessitent d'être soutenus près d'eux. Et donc, nous, la séance de goûter au ciné, on la présente, on prend le temps de la présenter bien aux enfants, aux parents, aux accompagnateurs de centres de loisirs. Et quand c'est un programme de court-métrage, de film court, on prend le temps de la discussion après et de l'échange. Les enfants prennent le micro, disent ce qu'ils ont compris dans les histoires, quelles techniques est-ce qu'ils ont vu, est-ce que c'était des films en marionnettes, est-ce que c'était des dessins animés. Et donc ils expliquent, et c'est souvent d'ailleurs les 7-8 ans qui prennent la parole pour expliquer aux plus petits ce qu'ils n'ont pas compris ou reformuler ce qu'ils ont vécu tous ensemble. Donc en fait c'est un petit peu pédagogique. Oui, c'est vrai. C'est que l'idée, c'est à la fois goûter au ciné, et c'est un dispositif, on peut dire, d'éducation à l'image, mais comme c'est les vacances, qu'on est là aussi pour s'amuser, nous, on anime les séances pour qu'ils se fassent plaisir, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'école, mais il y a une dimension pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce que je deviens un spectateur et comment est-ce que je grandis en ayant un point de vue sur les images et sur les films que je vois. Le festival, donc Image par Image, se déroule, donc là, j'ai dit tout à l'heure, on est juste à mi-parcours, je crois que j'ai calculé, oui. On est juste à la moitié, donc avec la volonté qu'il se déroule pendant les vacances, après avoir suivi une période scolaire. Donc là, à chaque fois, c'est complètement volontaire, vous ne voulez pas toucher le même public. Tout à fait. C'est-à-dire que pendant la période scolaire, c'était des secrets de fabrication. On a des réalisateurs qui sont venus, de longs métrages comme Jean-François Laguenny pour le tableau avec Annick Lorès, sa scénariste, ou de courts métrages comme Émilie Mercier pour Bisclavret, Juliette Loubière pour Citrouille et vieille dentelle, ou Jean-Claude Rozec pour Cul de bouteille. Et là, ils faisaient des présentations branchées à un ordinateur. On le faisait d'ailleurs aussi dans les journées animées. Et ils montraient quels étaient leurs éléments de recherche graphique, quel était le storyboard, c'est-à-dire la bande dessinée du scénario du film, et comment est-ce qu'ils avaient travaillé pour arriver à un court-métrage. Et là, pendant les vacances, nous, on souhaite prolonger le festival au maximum, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des enfants qui ont la chance de partir au sport d'hiver, mais il y a aussi énormément d'enfants, et c'est la grande majorité qui reste en fait en région parisienne pendant les vacances, et nous c'est un souhait du Conseil général du Val d'Oise et de l'association des cinémas d'avoir un champ d'activité à proposer aux enfants en centre de loisirs ou en famille ou avec les grands-parents pour venir au festival découvrir des films, faire des ateliers, faire des dessins pour le concours de dessin ou participer à Loup-garou Yétus et l'installation de l'Ab 212. Enfin, il y a plein de choses, quoi, voilà. Au niveau du programme, donc, vous avez fait un focus cette année sur les histoires qui font peur ou plutôt qui ne font même pas peur. Oui. Donc un choix de film pour les enfants, on va dire, grand, parce que 6 ans, on est déjà grand quand on vient à Image par Image, puisque vous commencez avec les tout-petits. Oui, tout à fait. Nous, on a des programmations dès 3 ans, en fait, hein, pour les tout-tout-petits, comme Rossini pour les petits, qui est un programme unique sur des opéras de Rossini mis en image par Giannini et Luzzatti en peinture animée. Donc ça, c'est vraiment 30 minutes et c'est très contemplatif. Et l'histoire passe par l'image et par la musique. Mais en effet, même pas peur, l'idée, c'est d'avoir un programme dès 6 ans. Et maintenant, c'est un peu ce que fait le festival depuis plusieurs années. L'an dernier, on avait 5 escales à vol de cachalot. Mmh. On a un programme spécial du festival. Et là, l'idée, c'était de parler, de jouer à faire peur. Les enfants voient des films et nous, on leur présente la séance, on dit on va jouer à faire peur en voyant des images au cinéma et des films qui font pas en réalité très peur, hein. Mais ça questionne de savoir qu'est-ce qu'on peut regarder, comment, tous ensemble, comment est-ce qu'on peut échanger. Et souvent, nous, on s'est rendu compte, parfois, en étant dans des séances, dans des salles de cinéma, qu'il y avait des grands-parents, ça, c'était il y a un moment, mais ça peut arriver, qui vont voir avec des enfants de 5 ans, et je n'exagère pas, Mission Impossible 4. Nous, ça nous questionne, vous voyez, et on pense sincèrement que les enfants, pour se construire, doivent apprendre à lire, écrire, compter dans le temps scolaire, mais ils doivent apprendre, on coordonne École et Cinéma et Collège au Cinéma pour le Val d'Oise, ils doivent apprendre à voir des films qui sont des œuvres à part entière, qui ont un début, qui ont une fin, et aussi pendant le temps du festival, accéder à cet apprentissage et à cette découverte culturelle d'œuvres absolument uniques qui ont une portée artistique souhaitée par leurs auteurs. Donc, nous, c'est vraiment important qu'ils puissent, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu de l'éducation liée à l'image, qu'ils puissent voir, mais réfléchir à ce qu'ils voient dans une société où on passe beaucoup par l'ordinateur, on passe par les jeux vidéo, et on a tendance à perdre un peu notre sens critique. Voilà. Alors dans ce programme de Même pas peur, ce sont des films, il y en a 7 films, ils sont tous récents, je regardais là le plus ancien de 2008, oui. Des films qui sont à la fois français et hongrois, donc je ne vais pas vous demander de les présenter, mais parmi les 7, quel est celui justement que vous présenteriez, vous, comme votre préféré? Moi, mon préféré, vous êtes dur, hein. Mais oui, je sais, je sais. Et moi, mon préféré, c'est peut-être le plus ancien, c'est La Saint-Festin, de Anne-Laure Dassis et Léo Marchand, qui est d'ailleurs le dernier film du programme, même si, franchement, le programme, on l'adore, hein, alors je vais pas faire de langue de bois, on adore tous ces films-là, c'est vraiment des coups de cœur. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on fait une programmation, on n'a pas de compétition, hein, on a des coups de cœur, et ces coups de cœur, on les porte même avec des films plus anciens dans les programmes. Mais là, moi, j'ai un attachement particulier à La Saint-Festin, parce que La Saint-Festin, c'est un film qui fait par deux réalisateurs qui s'appellent Anne-Laure Dafis et Léo Marchand, qui est un film où toutes les voix des personnages sont faites par le même acteur, c'est François Morel, qui fait les voix de l'ogre, les voix des enfants, les voix... Ah, ça, il doit savoir. Oui. Les voix de la femme, etc., qui est danseuse. Et c'est assez merveilleux. Et c'est vraiment un... On peut dire, il prend un statut de chef-d'œuvre du film d'animation. Alors, c'est un peu... Mais il parle de la peur... puisque c'est la fête des ogres, et c'est l'histoire d'un ogre qui a perdu ses dents, qui réussit à faire passer la petite souris pour avoir des nouvelles dents, et qui va se retrouver, alors que c'est la fête des ogres, c'est la Saint-Festin où ils doivent trouver des enfants à faire mijoter, pas pour faire la fête, il va se retrouver à garder les enfants de sa voisine. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, je ne vais pas vous le dire, mais il y a de la peur qui est tangible dans la salle, et je ne vais pas vous dire qu'il y a un ouf de soulagement, mais c'est un film qui reflète bien l'état d'esprit du programme. C'est peut-être le film le plus, entre guillemets, où on joue le plus avec sa peur de tout le programme. Et voilà. Mais après, il y a les log jams, c'est en effet des animaux qui ont peur de rien, et surtout pas du chasseur, qui a d'ailleurs un très gentil, un peu bête, qui vient avec son chien, ou Bisque Lavray qui parle de la peur de la différence. Par un homme qui se transforme en loup certaines nuits. Enfin voilà, donc, ou Cul de bouteille qui est le rejet des autres parce que c'est un petit garçon qui a peur de la société et du coup, parce qu'il est myope et donc on se moque un peu de lui parce qu'il a des culs de bouteille et donc il se crée son propre univers pour se protéger des autres. Enfin voilà. Donc ce programme-là, il est assez complet dans ce sens-là. Et on peut le voir où pendant les vacances ? Pas sur pas mal de salles du festival. Alors si, en détaillant un peu, si vous me permettez, les endroits où il va passer aujourd'hui même à Éragny-sur-Oise, à 15h exactement, donc à la salle de la maison de la châle d'Éragny-sur-Oise. Il va passer également samedi à 14h à la salle Berryer de Sarcelles. C'est dans le vieux Sarcelles et c'est à 14h. Il va passer également le dimanche 26 février à Fosse, au cinéma de Lisieux, à 14h30. Et l'après-midi même au cinéma Jean Gabin d'Argenteuil. Et ensuite, bon, pour avoir les autres dates, il va passer la deuxième partie du festival jusqu'à la clôture. Et il passe d'ailleurs par ailleurs, alors là on est vraiment très très fiers de leur invitation, le mercredi 7 mars à 14h à la Cinémathèque française. À Paris, donc, carrément, à la capitale ouais. Oui, on monte à la capitale du Val d'Oise et on est très fiers parce qu'ils nous ont invités, Élodie Imbeau du service pédagogique, et ça va être le même jour que l'inauguration de l'exposition Tim Burton. Voilà. Ah oui, ça va être un grand jour, effectivement. Ouais, c'est très chouette, il y aura Juliette Loubière qui sera là avec peut-être des surprises et voilà. Mais sinon, pour avoir le programme, c'est WordPress, image par image, .wordpress. Et là, il y a vraiment tout le détail des goûters au ciné qui est téléchargeable ou sur le Facebook d'Image par Image. Et juste avant de se quitter, Yves Bourret, je voudrais que vous disiez deux mots sur le ciné-concert de clôture. Ah oui, très important. Ouais, tout à fait, j'allais complètement oublier. Et merci oui. de ce rappel. En fait, on a deux temps forts à la clôture. Le samedi 3 mars à 15h, on a Jean-Baptiste Garnero des Archives françaises de Bois d'Arcy, du Centre national du cinéma, avec un programme complètement inédit des pionniers de l'animation qui va nous proposer de façon assez exceptionnelle pour la clôture. On mettra les prix du concours de dessin, on montrera les films d'atelier des monstres gloutons qui auront été réalisés pendant les 30 ateliers du festival par les enfants et des réalisateurs. Et le dimanche 4 mars, on a en effet un ciné-concert exceptionnel sur le petit monde de Léo Lioni. Et ça, c'est un ciné-concert. On est vraiment très fiers de l'avoir pour le dimanche 4 mars au cinéma Le Figuier Blanc à Argenteuil, à 16h. Ça, c'est vraiment pour les tout-petits des 3 ans. Hein. Et Léo Lioni, c'est le grand illustrateur qui a fait Petit Bleu, Petit Jaune. Et ses films ont été adaptés par Giannini et Luzzatti, dont je parlais, par Giannini en l'occurrence. Et c'est une coproduction avec le Forum des Images, qui a son festival d'ailleurs, qui est vraiment exceptionnel, tout petit cinéma en ce moment, à Paris, donc à la capitale. Et avec Ciné Junior, qui est vraiment, avec qui on travaille, avec une grande fidélité le festival qui se passe à l'opposé du Val d'Oise dans le Val de Marne. Et on a vraiment de grandes accointances. Voilà. Et donc, on aura ce temps fort de clôture après la clôture qui sera le dimanche 4 mars. Yves Bouvray, merci beaucoup. Donc, tout le programme de Image par Image, on le trouve sur le net, soit en passant par le site du Conseil Général, valdoise.fr, soit par imageparimage.wordpress.com. Et donc, c'est jusqu'à la fin des vacances, c'est-à-dire jusqu'au 4 mars, dans toutes les villes du Val d'Oise, ou presque toutes, en tout cas. Oui, 20 cinémas, et oui, je ne sais pas combien il y a de villes, mais il y en a beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur fantôme va sur la lune pour y chercher de la compagnie, mais y a personne. Quelle infortune! Alors monsieur fantôme s'ennuie, il regarde briller la terre comme un clair de lune à l'envers. Il se promène dans les cratères, une fusée rouillée, mais y a vraiment plus rien à faire. La fusée est vraiment cassée. Il regarde briller la terre comme un clair de lune à l'envers. Monsieur fantôme trouve alors une vieille montre de fer. Il la secoue, elle marche encore. Il nettoie le cadran de verre. Il regarde tourner l'aiguille. Il compte les heures et s'ennuie. Monsieur fantôme va sur la lune pour y trouver de la campagne, mais y a personne. Quelle infortune! Monsieur fantôme est reparti chez lui. Monsieur fantôme par Chapi Chapeau, c'est donc extrait du livre CD Chansons tombées de la lune. C'est la chanson qui ouvre ce livre CD qui est une histoire un petit peu folle dingue en fait. Un fantôme, on saura très vite dans l'histoire de quoi il s'agit puisque Chansons tombées de la lune, c'était à la fois une histoire ou plutôt un conte musical parsemé, je ne sais pas si c'est le bon terme, de chansons, donc par Chapu Chapeau. Et comme vous l'aurez peut-être entendu avec l'oreille fine, il s'accompagne de différents jouets. Le texte est de Arnaud Legouet-Fleck, qui a écrit l'histoire de Chansons tombées de la lune, et les illustrations sont de Laurent Richard, un livre CD paru à l'église de la Petite Folie. Du côté des livres pour les enfants, je voulais évoquer un livre pour les tout petit, qui est aussi une histoire de chanson d'ailleurs, c'est l'album d'Anne Brouillard, paru au début de l'hiver au Seuil Jeunesse, La berceuse du merle. D'Anne Brouillard, on aime sa façon de tracer un univers plein de douceur, aux couleurs chaudes et soyeuses, où la nature est souvent présente dans un va-et-vient entre le dehors et le dedans. Son pinceau, à la fois précis et léger, laisse les couleurs de la gouache s'estomper, comme pour mieux faire ressentir les odeurs et les couleurs, et on entendrait presque le bruissement des feuillages. Elle a l'art de jouer sur les profondeur de champ, et bien sûr, il faut souvent aller chercher tout au fond de la page pour apercevoir le détail qui donne toute sa force à l'image. Avec Berceuse du Merle, Anne Brouillard s'est aventurée pour la première fois du côté de la toute petite enfance, en leur imaginant ce grand album, presque sans paroles, qui décline les paroles de la berceuse. Dors, dors, bébé, maman fredonne à côté. Dors, dors, bébé, dors, le merle chante dehors, etc., etc. Grande double page qui s'ouvre sur l'intérieur de la maison où dort le petit enfant dans sa berceuse, dans son berceau plutôt, tandis que sa mère vaque dans la pièce voisine. De page en page, voilà que le regard s'échappe par la fenêtre, dans le grand arbre, puis dans le jardin où jouent les aînés et le père, pour revenir vers la maison, dans la cuisine, où la maman prépare le repas et enfin vers le bébé qui vient de se réveiller et regarde bientôt ses frères et sœurs par la fenêtre. Une déambulation circulaire, toute simple, avec le merle pour fil conducteur, présent sur toutes les pages, même si parfois il semble se cacher dans les feuilles. Les couleurs chaudes du rideau rouge, les multiples verts des feuillages, les plans à chaque fois différents, à l'extérieur comme à l'intérieur, le récit tout simple, comme pour rassurer le tout petit qu'à son réveil, rien n'aura changé et qu'il retrouvera sa famille autour de lui. Tout cela dégage une grande sérénité pleine de poésie. Ça s'appelle « La berceuse du merle », c'est de Anne Brouillard, c'est publié au Seuil Jeunesse, c'est à lire à partir de 1 an et ça coûte 1 euro. Ça coûte 1 euro. Non, ça serait trop bien. Ça coûte 15 euros. Pendant les vacances de février, le théâtre aux mains nues dans le 20e arrondissement poursuit sa programmation de spectacles de marionnettes qui constitue sa ligne directrice depuis sa création. 2 spectacles à voir à partir de 6 ans que Sabine Ribeiro du théâtre aux mains nues nous présente. Sabine, bonjour. Bonjour. Alors avant de les présenter, ces 2 spectacles que j'avais envie de vous fassiez découvrir aux auditeurs, je voudrais juste que vous rappeliez en quelques mots qu'est-ce que le théâtre aux mains nues. Alors, en quelques mots, le théâtre aux mains nues est un théâtre de programmation tout public autour de la marionnette et du théâtre d'objets. Donc, tout public, c'est-à-dire pour les enfants et pour les grands. On est aussi une école. On enseigne l'art de la manipulation et de la construction de la marionnette. On a d'ailleurs une journée porte ouverte le 24 mars. On vous explique tout ce qu'on fait. Et puis, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, les centres de loisirs et autres structures autour de cette pratique de la marionnette. Alors, donc 2 spectacles que j'avais envie de faire découvrir. En fait, j'étais très intriguée parce qu'il y en a un des 2 qui est adapté d'un texte de Philippe Dorin. Et Philippe Dorin, oui, faisant partie de mes auteurs presque préférés, en tout cas en matière de théâtre pour les enfants. Oui. Donc là, ce n'est pas tout à fait une pièce de théâtre, c'est plutôt une nouvelle qu'il a écrite dans un recueil. C'est l'adaptation d'un texte de Philippe Dorin qui s'appelle « À vue d'œil », mais là, c'est dans les yeux de Léo. Voilà, c'est ça. Bah, effectivement, Philippe Dorin, qui est un auteur pour le jeune public, qui a cette force, je crois, de pouvoir parler de tout aux enfants en sachant trouver les mots, qui a une écriture à la fois très simple et très fine. Il y a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées. Ici, c'est la thématique de la différence. Dans les yeux de Léo, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été fabriqué par sa maman et celle-ci a oublié de lui fabriquer des yeux. Du coup, le spectateur se retrouve à voir le monde à travers les yeux de Léo. On a toute une partie assez magique et poétique où, au plateau, vous avez toute une série d'objets, en fait, de marionnettes et d'objets qui sont manipulés, qui sont détournés en fait de leur objectif premier. C'est-à-dire que vous avez par exemple une table à repasser qui devient un bateau, parce qu'en fait Léo, lui, ne voit pas une table à repasser mais bien un bateau. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on propose dans ce spectacle, tout l'univers magique en fait de l'univers enfantin, en fait, de pouvoir jouer avec un bout de bâton et de créer toute une histoire autour. Et puis avec les mots de Philippe Dorin, donc on aborde la différence. En fait, le petit Léo entre à l'école et là on se retrouve dans la cour de récré que l'on sait qui peut être parfois assez cruelle. Et voilà, on aborde cette idée d'être différent des autres, de se faire accepter. Donc voilà, c'est la partie un peu plus difficile du texte, mais qui reste très réelle, en fait, aussi bien pour les adultes qui vont peut-être avoir des souvenirs d'école que pour les enfants qui vont vraiment se retrouver à travers Léo. Je veux juste que vous disiez quelques mots sur la compagnie. Oui, alors c'est la compagnie Waverley, et donc la metteur en scène est Claire Vialon. Vous avez en fait deux comédiens marionnettistes qui sont sur scène, qui sont Mathieu Anderlin et Coraline David. C'est une compagnie qui s'oriente vraiment dans la marionnette depuis longtemps. Les toutes premières dates de Dans les yeux de Léo avaient été programmées au Théâtre Romain Nu en avril dernier. Donc là, ils ont pu faire d'autres résidences, retravailler encore le spectacle. Et là, on est très contents de les accueillir cette semaine. Donc c'est jusqu'à vendredi. Voilà, alors en fait c'est cet après-midi 15h, jeudi et vendredi on est très contents parce que c'est complet. Et il reste de la place samedi à 19h et dimanche à 15h. Ah oui, c'est jusqu'à dimanche, je me suis trompée. Le deuxième spectacle, c'est donc pour la deuxième semaine des vacances, c'est Le jeune homme aura, qui lui est une adaptation d'un conte plus traditionnel, on va dire, Le joueur de flûte de Hamelin, donc par Jeanne Vitez, dans une mise en scène des Lois Recoing. Tout à fait. Alors, c'est un conte traditionnel, mais qui est bien réécrit par Jeanne Vitez. Donc là, vous avez aussi vraiment une force de texte, parce que c'est vraiment un texte tout public, c'est-à-dire que les adultes vont vraiment savourer la finesse des mots utilisés par Jeanne. Vous allez vous retrouver dans le petit bourg de Hamelin, vous allez sentir la neige, vous allez même peut-être sentir les plats odorants du bourg. Et puis les enfants, eux, vont à la fois se servir des mots de ce conte et aussi s'appuyer sur tout ce qu'il y a sur le plateau, en fait, tout le panel d'objets. Vous avez des marionnettes à gaines, des marionnettes sur doigts, de l'ombre aussi qui est disposée. Et puis le corps castelé aussi, c'est-à-dire que le corps de la comédienne conteuse est en fait l'espace de jeu. Donc les marionnettes vont sortir du dos, elle va se retourner... Elle va se servir de son corps pour jouer avec. Et puis voilà, c'est le conte traditionnel, effectivement, d'après Le joueur de flûte de Hamelin. Donc cette fameuse histoire où les rats envahissent un village et où un joueur de flûte, par sa mélodie magique, les fait fuir, avec une petite variante à la fin, qui est que le joueur de flûte emmène avec lui également les enfants. Qui vont donc sortir de la salle. Non, c'est plutôt les enfants n'ont pas vraiment peur. C'est plutôt les parents qui peuvent être parfois angoissés de se demander où atterrissent les enfants. Voilà, c'est la catharsis aussi du conte. Donc, ce spectacle de Jeanne Vitez a été mis en scène par Éloi Recoing, qui est le directeur artistique du Théâtre Romain Nu. En revanche, le spectacle n'est pas joué au Théâtre Romain Nu. Voilà, il est joué sur une péniche, la Baleine Blanche, qui est au niveau du quai de la gare, métro quai de la gare, dans le 13e arrondissement. Et c'est donc du 27, alors je ne retrouve plus mon papier, c'est la semaine prochaine, du lundi au vendredi à 14h30. Et donc à la péniche théâtre La Baleine Blanche, au port de la gare, donc au quai de la gare. Pour avoir toutes les informations sur les deux spectacles, donc on peut voir les deux à partir de 6-8 ans, on téléphone au Théâtre Manu. Soit vous téléphonez au numéro des réservations, soit vous allez sur le site internet où vous avez tous les renseignements, www.théâtre-au-main-nu.fr. Sabine Ribeiro, merci beaucoup et donc bon spectacle. Merci beaucoup, au revoir. Prends garde où tu mets les pieds, tu peux te faire attraper. Attention, si tu fouilles, méfie-toi de la citrouille. Attention maison à l'escalier, il craque, il est déglingué. Si tu vas dans le grenier, tu trouveras des araignées. Des araignées. Un, deux, trois maisons brûlées, la citrouille va t'attraper. Un, deux, trois maisons brûlées, la citrouille va te croquer. Attention, ne touche à rien, ne joue pas au gros malin. Si tu veux l'énerver, tu n'as qu'à continuer. Si tu trouves des bonbons, surtout ne les mange pas. Ça peut être du poison, ça peut être la mort au rat. Un, deux, trois maisons brûlées, la citrouille va t'attraper. Un, deux, trois maisons brûlées, la citrouille va te croquer. Criquet, croquet, criquet, croquet, criquet, croquet, criquet, croquet. Si au milieu de la chanson la citrouille t'a pas trouvé, c'est que t'es drôlement bien caché. Reste là, ne bouge pas, la citrouille va t'opérer. Si t'as peur de la citrouille, tu dois être un gros bêta. Ce que disent les grandes personnes, c'est que ça n'existe pas. Même si j'ai vu ce matin une citrouille sur le chemin. 1, 2, 3 maisons hantées, c'est Abel sur LYFM 93.1. Abel qui, ce samedi et ce dimanche, dans le cadre de Tout Petit Cinéma, le festival de cinéma pour les tout petits qui se déroule au Forum des Images, donc jusqu'à dimanche, pour clore ce festival, samedi et dimanche, ciné-concert à 11h et à 16h. Abel et le musicien Emmanuel Raymond mettront en musique le film Les Petits Films de Ladislas Starevitch, film d'animation qui date de 1953. Et le spectacle s'appelle Gazouillis, petit oiseau. Ça se passe au Forum des Images. Côté spectacle, justement, à voir pendant les vacances, Macao et Cosmage ou l'expérience du bonheur. C'est d'abord un livre d'images pour enfants publié en 1919 par Eddy Legrand chez Gallimard NRF, qui éditait à alors son premier livre pour enfants. Eddy Legrand lui était peintre et cet album au grand format exceptionnel pour l'époque est également exceptionnel de par son illustration inspirée des arts déco, du cubisme et du fauvisme avec, et c'est une nouveauté pour l'époque, un texte au service de l'image et non pas le contraire. L'histoire, c'est celle de Macao et Cosmage, une sorte d'Adam blanc et de Ève noire qui vivent seuls et heureux sur une île déserte, jusqu'à ce que débarque la civilisation incarnée par les militaires, mais aussi par les colons et les savants, qui ont tôt fait de détruire la nature et de faire fuir les animaux. Était-ce donc ça le bonheur qu'on avait promis à Macao et Cosmage? Cette fable aux allures rousseauistes, écologiques et anticolonialistes a été rééditée il y a quelques années par les éditions Circonflex. Macao et Cosmage a été adapté pour la scène par la compagnie La Soupe, avec une très grande fidélité à l'album, puisque les illustrations sont reproduites sous forme de tableaux, une sorte de théâtre de papier animé par Ise Welchinger, aussi et surtout parce que le musicien Boesflug et son piano sont sur scène à côté de la comédienne qui raconte. La musique, inspirée par la musique des années 20, accompagne, devance, souligne le récit d'Eddy Legrand avec inventivité et poésie. Il reste encore 3 représentations de Macao et Cosmage au Théâtre du Noir, aujourd'hui, demain et vendredi. C'est à 15h. Et on pourra aussi le voir à la Cité de la Musique les 28 et 29 mars, à la Cité de la Musique donc, et c'est à voir à partir de 8 ans. Il y a un éléphant dans le jardin. Pour les plus grands, Lancelot, le chevalier de Merlin, l'un des chevaliers de la table ronde, dont la légende continue de nourrir les imaginaires, Lancelot, le chevalier de Merlin, dans une mise en scène de Quentin Desfait à l'Éclat Théâtre, au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Lancelot, fils spirituel de la Dame du Lac et de Merlin, rejoint à ses 18 ans Camelot pour être adoubé par Arthur. Mais au moment de jurer fidélité au roi, il pose les yeux sur la reine Guenièvre et tombe amoureux fou. Les aventures commencent, Lancelot est prêt à tout pour sauver la femme qu'il aime. Adapté de Chrétien de Troyes et de Geoffroy de Monmouth, le récit emporte le spectateur par la mise en scène à la fois poétique et rude, où se côtoient chevaliers et sorciers, où s'affrontent les armures et les épées, où se confrontent les codes de la chevalerie et ceux de l'amour courtois. Dans une scénographie faite de bois et de métal, baignant dans une lumière qui joue sur les clairs obscurs, soulignant ainsi les sentiments entre douceur et élan guerrier, mais soulignant aussi la magie et l'humour, Quentin de Fée a revisité cet épisode de la quête du Graal avec beaucoup de force. Lancelot, le chevalier de Merlin, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est demain à 14h30, dimanche à 16h, mardi prochain à 14h30, à voir à partir de 10 ans, mais je pense vraiment en famille, et toutes les infos sont sur le site de Éclat Théâtre. Pardon Véronique de vous corriger, mais c'est Quentin de Falte. Qu'est-ce que je prends ? Heureusement que vous êtes rentré juste à temps et pour me reprendre. Bonjour Lionel. Bonjour. Je vois que vous n'avez pas envie qu'on dise du mal de ce monsieur. J'ai mal prononcé son mot. Bon, ben, du coup, on va passer à la lecture. Ah, comme parce ça, que vous, directement. Oui, vous me réprimandez sur mes noms mal prononcés. Mais on le sait, je prononce toujours. Il n'aimerait pas qu'on écorche son nom. Non, j'écorche toujours les noms, c'est mon défaut premier à l'antenne. Qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui, alors, Lionel Chenaillou ? Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Seuil. C'est un roman, une fiction de Sabina Berman et ça s'appelle « Moi ». Alors, je précise que c'est une fiction parce qu'en fait, c'est une fiction où l'auteur emploie le « je ». Et en fait, elle raconte l'histoire de Karen Nieto. Karen Nieto, c'est une petite fille aux capacités différentes. En effet, elle est diagnostiquée autiste irrécupérable et elle a pourtant une mémoire et une appréhension de l'espace tout à fait exceptionnelles. Ce livre est un hymne à la tolérance et en même temps, une fable écologique. C'est un livre qui a été traduit de l'espagnol puisque l'auteur est mexicaine, Sabina Berman. Un jour, je vis sur le quai une chose qui me changea la vie. Je sais, à la page précédente, j'ai déjà écrit que la tenue de plongée m'avait changé la vie. Et je crois qu'une page encore plus tôt, j'ai écrit que travailler dans la conserverie de mon arrière-grand-père m'avait changé la vie. Mais c'est vrai qu'à cette époque, ma vie changeait du tout au tout à chaque instant. Trois marins dans une vedette ont accosté et remonté sur le quai un espadon qu'ils ont jeté sur le sol mouillé. Le poisson bougeait encore. Il fouettait l'air, se recroquevillait, ouvrait toute grande une ouïe, puis l'autre, la gueule béante sous son épée pour aspirer un peu d'air. Derrière le masque de ma tenue de plongée, j'observais le comportement des marins, moi. Avec un crochet en acier, ils ont attrapé la queue de l'espadon qui se débattait, et avec un autre crochet, ils ont harponné sa gueule, et on a entendu un ronflement féroce. À ce moment-là, Peña, l'ingénieur, est arrivé à grandes enjambées. Sur un ton euphorique, il a ordonné dans sa radio qu'on apporte un appareil photo et sa chaussure a donné trois coups de pied au poisson épais. Il ne veut pas mourir, ce con. C'est à travers mon masque que j'ai entendu Peña dire ça. Les marins et Peña ont éclaté de rire. Tout en bavardant, Peña donnait toujours des coups de pied au poisson avec la pointe de sa chaussure. Ils se regardaient dans les yeux, se touchaient les avant-bras, se souriaient, enfermés dans leur monde d'humains standard. Et sous nos yeux, l'espadon soufflait toujours, la gueule ouverte et les ouïes battant l'air à toute vitesse. Leur monde d'humains standard, une bulle où n'est réellement vu et entendu que ce qui est humain, où rien n'importe hors de l'humain, où tout le reste est paysage, marchandise ou nourriture. Je tremblais de colère ou de peur, je n'en étais pas certaine, le cœur battant très fort à tout rompre. Je leur ai bien tapé dessus à tous. Peña m'a vu et m'a fait signe d'approcher. Comme je ne réagissais pas, il est venu me prendre par le coude et m'a attiré dans son cercle d'humains. Mais, enfermé dans ma tenue de plongée, j'étais très loin d'eux, moi. Et là, près d'eux, mais loin, j'ai compris qu'il en serait toujours ainsi. Je serais près des humains, mais loin. Des années plus tard, de nombreux mots plus tard, beaucoup de livres plus tard, j'ai trouvé dans un livre ancien écrit par un philosophe français une phrase qui met en mots ma distance à l'égard des humains. « Je pense, donc j'existe ». Cette phrase m'a laissé bouche bée, car elle est évidemment incroyable. Il suffit d'avoir deux yeux au milieu de la figure pour voir que tout ce qui existe commence d'abord par exister, avant toute autre chose. Mais le plus incroyable, c'est que le philosophe en question ne propose rien de pareil. Il se contente de mettre en mots ce que les humains croient à propos d'eux-mêmes. Que d'abord ils pensent et qu'ensuite ils existent. Et voici le pire. Comme les humains vivent ainsi, croyant que d'abord ils pensent et qu'ensuite ils existent, ils pensent alors que tout ce qui ne pense pas n'existe pas. Les arbres, la mer, les poissons dans la mer, le soleil, la lune, une colline, une énorme montagne, non ? Tout cela n'existe pas complètement. Tout cela existe sur un mode d'existence secondaire, mineur. Par conséquent, tout cela mérite d'être marchandise ou nourriture ou paysage des humains et rien d'autre. Et puis, qui assure aux humains que la pensée est l'activité la plus importante de l'univers ? Qui leur assure que la pensée est l'activité qui marque la différence entre les choses supérieures et inférieures ? Ah, la pensée ? Mais moi, je n'ai jamais oublié que j'ai existé avant d'apprendre, très péniblement, à penser. Et tous les jours, c'est à mes yeux la réalité. J'existe d'abord et ensuite, parfois, avec lenteur et difficulté, uniquement quand c'est absolument nécessaire, je pense, moi. Voilà ma distance vis-à-vis des humains. Pour finir, ils ont accroché l'espadon à un harnais métallique peint en noir. L'animal perdait son sang goutte à goutte. Les ouïes ne palpitaient plus que par instants, ressuscitant et enflant et se dégonflant avant de redevenir immobile. On a apporté l'appareil et Peña nous a rassemblés autour du poisson mort. On s'est serré et quelqu'un a pris la photo. Il était raide quand on l'a décroché, et quatre dockers l'ont emporté sous la conduite du joyeux ingénieur Peña. Alors j'ai demandé à d'autres dockers de me suspendre au harnais, moi. Je voulais être suspendu comme l'espadon. Mais c'est après qu'on m'a suspendu que j'ai compris pourquoi. Dans cette position, en tenue de plongée, respirant lentement, je pouvais voir la mer lustrée et dorée du crépuscule, comme une lumière à l'état pur, une mer de lumière liquide. Et le ciel était bleu pâle, presque blanc. Parfois, au loin, passait un petit voilier qui se perdait au-delà de l'horizon. Parfois, un V d'oiseau noir s'enfonçait dans le bleu du ciel et finalement s'évaporait. J'étais d'une tranquillité absolue. Je ne risquais pas de m'absenter de moi. Je n'avais pas à redouter un être humain dangereux. C'est devenu une obsession. J'ai appris à me suspendre seul au harnais et je m'y suis très vite habitué. « Oui, mademoiselle Karen ?» demandait le chauffeur qui venait me chercher l'après-midi pour m'emmener chez le professeur qui m'attendait. On criait mon nom dans les haut-parleurs de la conserverie. Si je n'apparaissais pas, le chauffeur allait me chercher sur le dernier quai, à l'extrémité duquel il me trouvait, invariablement, moi, suspendu au harnais. Le chauffeur s'asseyait sur une borne en ciment, fumait une cigarette et m'attendait. Je croyais qu'il n'avait rien de mieux que de flotter dans ma tenue de plongée, accrochée au harnais. Je me trompais. Il y avait encore mieux. Plonger. De Sabine Berman, traduit de l'espagnol du Mexique par Claude Bleton. C'est publié aux éditions du Seuil, ça a paru en 2010. Merci Lionel. À la prochaine. À plus. Et merci à Ricardo Burgos qui a assuré la mise en onde de l'émission. Merci pour la liaison. On se retrouve mercredi prochain à 10h à 10h30 pour une nouvelle édition de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À midi sur les 93.1, vous retrouvez les programmes de Radio Pays. À Ligre FM, c'est à 17h. Bonne journée. À la prochaine.